Imekwani Smokey One Baby Chris Oil Greg BM. Yeah. Na jenga kujua ambaro eto nwota Nisu labia beta to ifanya Ma utna mitana wa miketi na ilia Zopi ya royong isi ni hota Weni Nisu miya urudi Nawam leofa Weni Kafu swangi na nega tine wa We En passant tous ces bons moments y'a mon cœur qui brûle Les larmes n'arrêtent pas couler et les années qui défilent T'as préféré me laisser seul et je passe pour une nuit J'ai tout fait pour t'oublier même quand on ne veut que toi Cette vie n'a plus de sens si tu es toujours loin de moi Me bien rêver près de moi quand je t'aimerais jusqu'à la mort Au début je prenais tes menaces comme si c'était des blagues Je vois où ça nous mène de ne pas être à l'écoute J'arrête de penser quand tu disais j'étais tout pour toi Alors que tu sais très bien j'ai pas voulu te faire du mal Je te demande pardon quand t'es ma seule raison de vivre J'arrête pas de rêver que t'étais toujours à côté de moi Je m'en veux beaucoup, t'as pas fait subir tous ces mal Mais béni Sami Hiri Gaya auprès de moi Parfois je me demande pourquoi la vie est si cruelle Mais béni Sami Hiri Gaya auprès de moi La djena kojua, ambaro et ton wota Nisu la vya beta to ifanya Ma utna mitana wa miketi na ilia Sopi ya royong kisi ni hota Weni Tumia urudi na wam leofar Wenin Kafu swangi na nega tide wa We Depuis que t'es parti je vois ton reflet tout le temps Des jours et des jours passent baby tu me manques Je te demande de me pardonner toutes les mal que j'ai fait Je me souviens de ces années, moi et toi on s'aimait tant On se tenait les mains, on marche ensemble tout le temps T'es la seule dans mon cœur, t'es ma fleur, t'es mon bonheur Baby écoute-moi, t'es pour moi la number one Baby je te mets tant, regarde-moi c'est Imekwan Ça fait mal au cœur, accorde-moi une autre chance Je rentre dans le peur à tous mes lyrics c'est pour toi J'ai même écrit pour toi, je ferai tout pour toi Si fanga za ou fanga wamna wawir vinsane Mahaba yangna wawe kaza koma j'te le jure Zobia na kwambula bewami ta kokia Lovani nisi ona me baby excuse-moi Mi fange tini be baby reviens-moi La djena kojua ambaro eto noda Nisu la vya beta to ifanya Ma ukna mitana wami ketna ilia Zobia royong isi ni hoda Weni Nisu miya urudi na wa leomba Weni kafu swangi na nega tide wa We Na jina kojua ambaro eto nwota Nisu la vya beta to ifanya Ma utna mitana wa miketi na india Sofi ya royong isi hota Weni Nisu miya urudi na wa leomba Weni Swangi na nega si de wa We Na jina kojua ambaro eto nwota Nisu la vya beta to ifanya Ma utna mitana wa miketi na india Sofi ya royong isi ni wata Weni Nisu miya urudi na wa leopard Weni Kafu swangi na nega